Et le temps est court quand on parle avec Raymond Poirier, n'est-ce pas Raymond? Bonjour Tania. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ben, ça va très très bien également. Et t'es là pour nous faire ta chronique sur la technologie de l'information. Exactement, chronique actualité TI de l'Institut Technologie de l'Information et Société ITIS, basé à l'Université Laval. Et pour commencer, viens-tu nous faire un retour sur le séminaire NetGov qui était organisé par le CIFRIO? Exactement, mais enfin, on reste un peu dans la tendance qu'on avait amorcée la semaine dernière, c'est-à-dire la question du gouvernement en ligne. On y reviendra également un peu quand on va jaser budget tout à l'heure, et on y reviendra peut-être également la semaine prochaine. Il y a beaucoup de réflexions qui se poursuivent quant à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les services gouvernementaux et comment on peut les bonifier pour les rendre plus accessibles pour les citoyens, pour les entreprises via le web. Et le CIFRIO, en fait, qui est un organisme de recherche, avait organisé la semaine dernière un séminaire public auquel l'équipe de l'ITIS a eu l'occasion de participer. À l'intérieur de ce séminaire-là, notamment beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations, parce qu'on menait des enquêtes, des sondages, pour essayer de voir comment les citoyens, citoyennes, les petites et moyennes entreprises utilisent les services gouvernementaux en ligne et s'ils les utilisent. Mais ce qu'on se rend compte de manière générale, c'est que on va sur le web pour aller chercher de l'information, donc sur les sites gouvernementaux, pour savoir un peu c'est quoi les programmes et le reste. Si on a l'habitude du web, si on ne l'a pas, c'est toujours le téléphone qui est la ressource principale. Mais par contre, même si la plupart des entreprises et beaucoup de citoyens connaissent les sites, il y en a peu qui vont aller les utiliser pour faire directement leurs transactions. Et donc, à travers cette enquête-là, aussi, ils sont aussi questionnés à savoir ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour inciter ces gens qui connaissent les services à les utiliser. Et il y a beaucoup de questions d'ergonomie, notamment de rendre les sites beaucoup plus aisés à utiliser, beaucoup plus faciles d'accès, faciles à comprendre également. Pas simple là, pour l'instant. Effectivement, c'est pas simple et c'est même suffisant pour amener certaines craintes, certaines peurs de gens ou d'entreprises qui ne veulent pas faire d'erreur, bien entendu. Et ce qui fait qu'en parallèle, eux ont remarqué qu'il y avait tout un marché d'intermédiaires qui en était venu à exister de par justement la complexité gouvernementale. On n'a qu'à penser, on est probablement un peu en plein dedans au moment où on se parle, les impôts. La plupart des gens vont faire affaire à un intermédiaire qui est un comptable, qui va faire les démarches et qui va envoyer la déclaration, soit papier, soit via le web ou autre. Mais tout de même, on ne fait pas directement les impôts. Donc, c'est un peu la même chose pour d'autres services qui pourraient pourtant, via le web, être rendus accessibles un peu plus aisément. Alors, ce qu'on dit, simplifions un peu et peut-être même certains proposent d'aller vers un site unique d'information là, autour justement des services gouvernementaux. Alors, ce sera à voir, en fait, beaucoup d'idées autour de ces structures-là. Par contre, un petit exemple qui est ressorti d'une présentation que j'ai trouvé assez intéressante, d'Anthony M. Cresswell, qui lui est du Center for Technology and Government à la University at Albany. Et lui, essentiellement, dit... Bon, il faut quand même prendre le temps de bien faire les choses dans la mesure où il y a un bureau, lui, dans le secteur d'Albany, donc dans l'État de New York, il y a un bureau qui avait demandé aux gens d'envoyer les informations concernant les nid de poules via les médias sociaux. Et ils se sont rendus compte, après coup, que si jamais il y avait un citoyen qui se blessait via un nid de poule, eh bien, le bureau ne pourrait plus invoquer qu'il ne connaissait pas l'existence de ce nid de poule, parce que via les médias sociaux, il savait tout. On l'aurait dit. Mais par contre, on n'a pas nécessairement le temps de tout réparer. Alors, il peut y avoir un petit coup aussi si on fait mal les choses ou si on les pense mal. Et pour revenir au site du gouvernement, j'ai fait une petite réflexion là et je me suis revue dans le passé. Il me semble que quand j'ai une question, habituellement, je vais sur Internet, sauf pour le gouvernement. C'est vraiment la seule place où j'appelle pour avoir une information. Voilà, c'est tout. C'était mon anecdote, témoignage. Alors, comment changer ça? On y reviendra peut-être un peu la semaine prochaine, dans la mesure où on va se poser des questions autour du gouvernement en ligne et des services mobiles, par exemple les téléphones intelligents. Donc, on voit qu'il y a des déficits au niveau d'utilisation. On en a parlé un peu la semaine dernière. La semaine prochaine, on va s'intéresser un peu à comment ces petits téléphones-là pourraient nous donner une ouverture sur les services gouvernementaux. On attend toujours l'application. Et Raymond, il y a eu récemment, en fait la semaine passée, le dépôt du gouvernement québécois et évidemment, ça implique aussi votre secteur. Effectivement, le secteur des TI qui était quand même assez choyé au sein du dernier budget. Écoute, Tania, on parle quand même là, de pratiquement un milliard de dollars d'investissement sur, quand même, pratiquement une dizaine d'années. Il y avait une section du discours de Raymond Bachand qui était intitulée « Poursuivre le virage numérique au Québec ». Le ministre Bachand qui a déclaré d'ailleurs que les technologies de l'information constituaient un facteur déterminant à l'amélioration de la productivité de la province. Il disait également que l'avenir économique était lié à la volonté, à la capacité de saisir les occasions. Les mutations de l'économie mondiale représentent des défis et surtout ces occasions. Donc, il importe d'intensifier la présence des technologies numériques dans l'économie. Alors, ces intentions-là sont très positives pour le milieu, beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche qui se fait. Alors, ça a été globalement assez bien reçu. Cela dit, à l'intérieur des discours-là, il y a peut-être sept éléments qu'on pourrait ressortir qui sont un peu plus importants au niveau des investissements qui sont faits par le gouvernement du Québec au niveau des technologies de l'information. Le point d'ancrage, en fait, je parlais de 900 millions, presque un milliard tout à l'heure, en fait, c'est sur 10 ans. C'est un peu le cœur de cette proposition-là. Donc, pour aider à étendre l'accès Internet à large bande, aider essentiellement la transition vers les infrastructures numériques dans les régions du Québec. Alors, on parle donc d'investissements quand même assez importants. L'idée étant d'aller essentiellement étendre Internet sur l'ensemble du territoire québécois d'ici 2020. Alors, on sait que c'est utile, c'est essentiel. On parle de gouvernement en ligne, on parle d'accès de plus en plus pointu via le web. Alors, nécessairement, il faut que le web soit aussi passablement accessible. Alors, en ce sens, c'est intéressant. Par contre, pour faire peut-être un petit point critique, j'ai trouvé une opinion assez stimulante également de Carl Frédéric Dessel, qui est le président d'X-Média, qui lui disait au lien multimédia, 900 millions de dollars sur 10 ans, c'est relativement peu. Il parle principalement d'infrastructures et de bandes passantes et semble vouloir mettre leur effort sur les réseaux publics, ce qui ne signifie pas nécessairement grand-chose pour le citoyen. Et qui plus est, on parle de faire un réseau de vitesse partout d'ici 2020. Mais 2020, en année Internet, ce sont des millénaires. Ouais, c'est vrai que dans la vraie vie, 2020, c'est relativement proche, mais quand on regarde depuis quand Internet existe, quand on retrace sa vie, ça évolue vraiment plus rapidement que l'humain normal. Exactement. Alors, c'est un bon premier pas, c'est un bon pas, ça c'est clair, mais de quelle manière, en fait, vont-ils l'utiliser, de quelle manière on pourra maximiser le potentiel de ce pas-là, ça reste à voir. Sinon, l'autre point important, en fait, c'est la création d'un fonds qui s'appelle Capital Ange Québec. Ça, c'est un fonds, en fait, qui va viser des investissements dans des entreprises en amorçage ou en démarrage, principalement justement dans le secteur des technologies de l'information et des technologies industrielles. En fait, c'est que le gouvernement, à travers cet investissement-là, on parle de 20 millions de dollars, viennent appuyer une initiative qui s'appelle le Réseau des Anges, en fait. Ça, c'est des entreprises privées qui ont amassé un fonds de 10 millions de dollars et ils utilisent cet argent-là pour donner un coup de pouce à des entreprises qui démarrent et des entreprises qui le perçoivent comme ayant du potentiel, donc qui développent une innovation et qu'il faut, comme on dit en anglais, mettre sur la map, donner un coup de pouce. Alors, on investit un peu d'argent et donc, avec la part gouvernementale, on pourra investir encore une fois un peu plus de sous. Ce qui est intéressant également, c'est que ça vient se greffer à un autre fonds qui s'appelle le Fonds Relève Québec, qui lui vise à encourager la relève entrepreneuriale, mais au sein d'entreprises qui sont déjà établies. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les départs à la retraite de présidents d'entreprises, de petites entreprises, il n'y a pas nécessairement une relève qui est en place pour succéder à ces départs-là. Alors, il faut la former, il faut l'encourager et il faut également l'appuyer. Parce qu'acheter une entreprise, c'est pas nécessairement non plus quelque chose qui se fait facilement. Ça prend un peu d'argent. Et en plus, dans le secteur des TI, c'est peut-être un sujet qu'on aura l'occasion de toucher, mais il y a une pénurie hallucinante et très importante de main-d'œuvre dans la province, autant que dans la région de Québec. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés pour les entreprises d'aller chercher une relève au niveau de leurs employés. Alors, imaginons encore plus au niveau des chefs d'entreprise. Alors, il faut vraiment essayer de cultiver toutes les mesures qui peuvent permettre justement de stimuler une certaine relève entrepreneuriale dans le domaine des technologies de l'information. Il y a quelques questions, en fait, qui sont tout de même soulevées autour de ça, notamment la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui, elle, dit « Ouais, mais on a quelque chose pour les entreprises naissantes, on a quelque chose pour les entreprises en fin de vie, mais qu'est-ce qui reste pour celles qui sont ni au début ni à la fin, mais au milieu de leur vie utile? » Alors, ça, c'est d'autres questions qu'on peut soulever. Sinon, rapidement, d'autres mesures que j'ai retenues, on parle de 6,6 millions de dollars au cours de la même période, donc une dizaine d'années, pour soutenir la prise d'un virage numérique dans le domaine des arts, des lettres, de la musique, des variétés de l'édition de livres. Alors ça, très bien reçu d'ailleurs par le milieu culturel. On sait que c'est nécessaire également, parce que vous en parlez quand même assez régulièrement ici à CKRL. On parle également de modifications qui vont être apportées au crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres En fait, l'idée, c'est que la version numérique d'un livre va désormais être admissible, disons, pour les crédits d'impôt. Notamment, donc, un livre numérique va être considéré comme un livre, au même titre d'ailleurs qu'un produit numérique en disque, qu'un disque numérique va être considéré comme un disque et sera éligible également pour des crédits d'impôt. Alors ça, c'est intéressant. Et le dernier point, peut-être qu'on pourrait retenir de tout ça, c'est l'investissement promis de 240 millions de dollars aux outils technologiques. On en a beaucoup parlé dans l'actualité. Aller chercher des tableaux blancs intelligents, des ordinateurs également, donc pour assurer qu'on a des classes techno, essentiellement. Et on se dit, ben, s'il y a des outils technologiques, peut-être qu'on va être en mesure d'intéresser un peu plus aisément les jeunes, parce qu'on va parler dans un langage qu'ils connaissent. Et parallèlement, peut-être que ça va assouplir également les possibilités pour les professeurs avoir un équipement qui est peut-être un petit peu plus de pointe versus un équipement qui est critiqué parfois comme étant un peu désuet. Alors, on pourra peut-être trouver cet équilibre-là, des investissements qui sont, de manière générale, d'ailleurs, très, très bien vus, un peu toutes les réactions sur lesquelles je suis tombé, que ce soit Alliance Numérique, Techno Montréal, les commissions scolaires voient ça d'un bon œil. Et pour aller chercher un point de vue critique, j'ai été chercher à nouveau Carl-Frédéric Decelle, qui lui disait, oui, c'est le fun, d'un côté, de voir qu'il y a un souci, justement, d'apporter des investissements technologiques de pointe, si on peut dire, dans les classes. Par contre, il faut s'appeler que c'est des technologies de pointe actuellement. Et que dans ce sens-là, oui, il faut investir dans les infrastructures, mais parallèlement, il faut aussi investir dans les programmes, dans les moyens, dans les outils. Donc, si on a des tablettes, il faut quand même les garnir. Et lui critiquait le fait, justement, que sur ce 240 millions de dollars-là, il n'y avait pas de spécification qui était donnée à savoir quelle partie est en équipement, quelle partie, justement, est en infrastructure 2.0 de ce type-là. Alors, ça ouvre peut-être un peu la question, mais en même temps, ça nous permet de nous créer un petit suspense, à savoir, ben, est-ce que effectivement il y aura des programmes, des infrastructures qui seront développées? Sûrement. Je veux dire, on peut l'imaginer, il faudra nécessairement former les enseignants, il faudra nécessairement accompagner dans le domaine du e-learning, dans le domaine des jeux sérieux, de l'éducation en ligne, etc. Alors, il y a quand même beaucoup de belles possibilités. Et en conclusion, autour du budget, je dirais que c'est peut-être ça qu'on retient ou qu'on semble retenir dans le milieu. Donc, c'est cette question de possibilité, en fait. Le gouvernement qui dit, oui, on reconnaît qu'il y a un virage numérique qui est en cours, on reconnaît qu'il faut le faire, on commence à se donner les moyens pour bien le faire. Raymond Poirier, merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine. Sans faute. Bonne semaine.